Cours numéro 1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fanabda بإذن الله جل وعلا في هذا اليوم هذا الدرس الجديد. On commence aujourd'hui un nouveau cours après avoir étudié ensemble la risala de Cheikh Abd Salam ibn Burgess رحمة الله عليه وصول الدعوة السلفية. استفدنا فيها ولله الحمد كثيرا استفدنا منها كثيرا. Aujourd'hui on commence هذه الرسالة المختصرة نصيحتي لأهل السنة للإمام العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه إمام في السنة إمام من أئمة هذا العصر رحمة الله عليه إلى يكري cette نصيحة pour ses frères أهل السنة والمسلمون ils ont besoin de التناصح فيما بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. الشيخ مقبل il a cité هذا الحديث qu'on lira ensemble إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a appelé الدين نصيحة. الدين c'est النصيحة. وهذا الإمام رحمة الله عليه il était ناصح للأمة ولإخوانه أهل السنة ولطلابه رحمة الله عليه. Et cette رسالة المختصرة elle traite un sujet spécifique وهو الاختلاف أي la divergence. فهو il conseille رحمة الله عليه avec des فوائد نفيسة pour que le sunna s'écarte du khilaf. Le khilaf c'est du char. Le khilaf c'est min al-shaytan. Al-wajib alayna jami'an c'est d'être unis. Walillahi alhamd, on adore le même Rabb, Allah Jalla wa Ala. On suit le même prophète, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a le même kitab, le Coran. On a les mêmes savants, walillahi alhamd, ulama, al-sunna, a'immatu al-islam. لكن الشيطان يفعل tout et fera tout إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى pour diviser الأمة pour diviser أهل السنة خاصة. Pourquoi? لأن الشيطان وجنود الشيطان ils savent très bien أن الحق il est مع أهل السنة والجماعة مع السلفيين. Ils savent très bien هذا. الشيطان et ceux qui le suivent. Et ils savent très bien que ذلك أن الاجتماع فيه قوة وأن الخلاف والتنازع فيه ضعف. قال عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم. فالقوة l'affaiblissement ça vient par quoi? Par la division. فلهذا الكفرة ils ont un مبدأ خطير qui est معروف عند الجميع أي diviser pour mieux régner. Ils sont على هذا المبدأ أن هذه الأمة لو اجتمعت si cette أمة elle serait réunie sur un même منهج autour du Coran et de la Sunna en obéissant au gouverneur في طاعة الله en revenant aux savants فça serait ولله الحمد une أمة قوية جدا plus que notre état الآن. لأن الآن on vit une période de fitna. Beaucoup de divisions, beaucoup de char. Et Shaitan, ou Junud, Shaitan, ils en profitent. Cheikh Muqbil, rahmatullah alayhi, à son époque déjà, il y avait de la division. Il a conseillé ses élèves, et il a conseillé Umum, Ahle Sunna, avec cette nasiha, Jamila. Wa Sunni, da'iman, da'iman, s'il veut réussir, bi'idnillahi jalla wa ala, il revient à Ahl al-Ilm, comme on a cité dans les fondements. Bel Cheikh Abd al-Salam, rahmatullah alayhi, dhakara fi al-usul, ay al-rujou' ila ulama'i l'umma. Fahada al-khilaf al-an al-hasil, min asbabihi, c'est al-bu'd an ulama'i al-sunna. Léan al-ba'd, ils font des choses, ils prennent des initiatives, des choses personnelles, et ils ne reviennent pas au savant de la sunna, et ils divisent tout le monde. لأن الجاهل même s'il veut rassembler ربما بسبب جهله à cause de son ignorance, il peut faire une chose, dire une chose, il pense que c'est un bien, ça divise tout le monde. Kadhalik, ce qui divise beaucoup les frères, c'est quand tout le monde parle. Quand tout le monde veut trancher, quand tout le monde veut donner son avis, ça divise. Kathratul aqwal, ça divise. Tashattut, tamazzuq. On ne sait plus il est où le haq. Hatta, on est à une époque, vu que beaucoup de monde y parle, quand sur le sujet du din aqsut, avec tous ces réseaux sociaux, avec internet, il a akhiré, farubama, la parole du savant, tu ne l'entends plus. Ou elle est moins propagée que la parole des juhal. Va revenir à Ahlul Ilm, c'est muhim. Ils ont des nasa'ih jamila. La solution pour s'écarter du khilaf, elle est claire. Elle est citée dans le Coran, elle est citée dans le sunna. Les ulama, ils ont conseillé. Lakin, on doit faire attention à ne pas vouloir défendre son nafs à tout prix, iyadam billah. Enfin, le but de tout le monde, ça doit être de vouloir se rassembler à l'al-haq. Et là, chacun a la divergence. Ha, cela. Et il y aura toujours de la divergence dans certaines masa'il. Il y en a, on n'a pas la même compréhension. On n'a pas le même niveau fil ilm, on n'a pas le même idrak, on n'a pas le même. Beaucoup de choses qui divergent. Hakada al-bashar, ils ont été créés. Lakin, notre objectif, ça doit être de vouloir se rassembler. Et s'il y a une divergence, on doit savoir comment se comporter. Hada, amma divergence fil aqida walillahi alhamd, on ne doit pas avoir de divergence fil aqida. L'aqida, c'est des choses. Les savants, ils sont unanimes sur ces sujets. Walillahi alhamd. Wa hakada vi al-manhaj. Souluk hadha al-manhaj an-nabawi. Les choses, elles sont claires. On peut diverger dans certaines masa'il de fiqh. Lakin, cette divergence, elle ne doit pas nous diviser. Et Cheikh Muqbil, rahmatullah alayhi, va appuyer sur ce point et va conseiller ses frères. Et nous, on a choisi de lire ensemble cette risala. Il y en a, on en a besoin. Tous. On n'est pas à l'abri. Et on doit faire des efforts pour s'unir à al-haq. على الصواب et bien sûr s'unir على كتاب الله autour du Coran et de la Sunna comme قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه نصيحتي لأهل السنة قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن الشعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم جرير رضي الله عنه صحابي جليل إلى في البيعة بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قال أي لا prêté allégeance au prophète صلى الله عليه وسلم على ماذا على السمع والطاعة aïe d'obéir et d'écouter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit de rajouter une chose, si mastata'at, aïe autant que tu peux, fala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Si un muslim ne peut pas, il est excusé. Wa zad an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa nush li kulli muslim. Il a prêté allégeance de obéir et d'écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a rajouté kadhalik de conseiller chaque muslim. Ça, ça nous montre l'importance de nasiha. Falihada, Cheikh Muqbil, rahmatullah alayh, il a commencé cette risala par ce hadith. Wa qala al-imam muslim, rahimahullah, haddathana Muhammad ibn Abbad al-Makki, qala haddathana Sufyan, qala qultu li Suhayl, inna amran haddathana an al-qaqa, an abih, qala, an abih, an abik, inna amran haddathana an al-qaqa, an abik, qala, كان عن أبيه ينظر قال ورجوت أن يسقط عني رجلا قال فقال سمعت من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم حديث تميم الحمد لله محفوظ عندكم et on l'a étudié ensemble في شرح الأربعين النووية قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في جامع العلوم والحكم كتاب النفيس Talabatul Ilm, ils doivent donner de l'importance à ce livre. C'est l'explication des 40 Nawawi. Et il a rajouté 8 hadiths, rahmatullah alayhi, ça fait 50 hadiths, et il les a expliqués fi hadha al-kitab an-nafi'. C'est afdal al-shuruh 'ala al-arba'i. Et tawassa' fihi qalilan, lakin il a cité des fawa'id tayyibah. Et il a cité la parole de l'imam Abu Amr ibn Salah sur ce hadith, hadith Tamim, al-Din al-Nasiha. Qala al-Hafid ibn Rajab, rahmatullah alayhi, qala Abu Amr ibn Salah, rahimahullah, al-Nasiha kalimatun jami'atun tatadhamman qiyam al-nasih lil-mansuh lahu biwujuh al-khayr iradatan wa fi'la. Ta'rif tayyib de al-Nasiha. Il traduit par conseiller. L'imam Ibn Salah قال النصيحة كلمة جامعة. Ce mot il englobe قال جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح. أي celui qui conseille, c'est الناصح. المنصوح c'est celui qui est conseillé. Enfin, celui qui conseille, qu'est-ce qu'il veut pour celui qui est conseillé? قال له بوجوه الخير إرادة وفعلا. Il veut son bien. Allez, هذا il conseille. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة que ce soit لله أو لكتابه أو لرسوله أو لأئمة المسلمين وعامتهم. في الحقيقة celui qui applique ce hadith il aura appliqué جميع الدين. قال ابن الصلاح رحمة الله عليه il a expliqué الحديث باختصار et نحن ni la dernière partie qui nous intéresse هنا أكثر. قال والنصيحة لعامة المسلمين. Ça veut dire quoi? Faire nasiha pour tous les musulmans. Irshaduhum ila masalihihim. Et leur montrer c'est quoi leur masalih. Al-maslaha, le pluriel masalih, c'est une chose que tu as besoin. Pour ton din ou pour dunya. Ba'd an-nas, ils ne savent pas il est où leur bien. Que ce soit pour din ou pour dunya. Ba'd an-nas, ils font des choses pour se rapprocher d'Allah et ils se font du mal. Limada al-jahl. Fa'l-nasih. Il va démontrer à son frère muslim at-tariq irshaduhum bi'idnillahi azza wa jalla ila masalihihim qala wa ta'limuhum umur dinihim wa dunyahum kadhalik at-ta'lim. Ça c'est maintenant nasiha. Fa kam min ikhwanina al-muslimin, ils ont besoin de base fi al-ilm ma'na ash-shahadatayn, comment faire salat, comment faire siyam, comment faire al-hajj, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, des choses très simples. Al-aqida, ma yata'alaq bit-tawhid, mise en garde contre le shirk. Fa nasihu, il veut le bien pour son frère. Fa il lui montre comment faire. Et s'il a la capacité, il lui donne des cours, il a akhir. Qala wa saddu khullatihim wa nusratuhum ala a'da'ihim. Kadhalik, si ton frère, il est opprimé, fa nasru, nusra. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, unsur akhaq zaliman ou madlouma. Hadith Anas radiyallahu anhu fi sahih. Hey, tu es obligé de secourir ton frère s'il subit une injustice, c'est min al-nasiha. Et là, tu lui veux du bien. Li'anna anta, tu n'aimes pas l'injustice et tu veux pas en subir, fahakada ton frère, fa s'il en subit une, fansurhu bil haqq. Tu l'aides, tata'awun ma'a. Qala wa dhabbu anhum wa mujanabatu al-ghish wa al-hasad lahum. Kadhalik l'entraide est ne pas envier ton frère, la jalousie al-muharrama ou al-ghish, le trahir, كذلك, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans une mu'amala, que ce soit dans tout, tu n'as pas le droit de le trahir. C'est ton frère, il te fait confiance. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala innamal mu'minuna ikhwa, et le muslim il doit avoir confiance en son frère muslim. Fala yajouz al-khida' ou al-ghish ou al-hasad. Qala wa an yuhib lahum ma yuhib li nafsihi. كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tu dois aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. أنت, tu veux que personne te fasse subir d'injustice, que personne ne prenne tes biens, tu veux que les gens ils te respectent, tu veux que les gens ils s'entraident avec toi. فهكذا ton frère. Enfin, ce que tu aimes pour toi, tu aimes pour ton frère. Ça c'est من النصيحة لأخيه. قال ويكره لهم ما يكره لنفسه. Est-ce que tu n'aimes pas pour toi, tu n'aimes pas pour ton frère كذلك. أما l'égoïsme, penser qu'à soi, وعظ الناس, si هو il est viraha, et ses proches, فلا يبالي بالآخرين. Et ربما ils s'entraident pas, ربما لا ينصر أخاه, ربما il n'y a pas de ta'awun. Et هذا سنتقصير في هذا المسلم. فالمسلمون c'est une umma, كالجسد الواحد. C'est comme un corps. كما سيذكر ربما الشيخ مقبل في الرسالة رحمة الله عليه. قال وما شابه ذلك انتهى كلامه رحمة الله عليه. أي كلام الإمام ابن الصلاح رحمه الله. هذا الكلام من جامع بيان العلم والحكم. قال رحمه الله نصيحتي لأهل السنة. أي après cette brève introduction, il a cité حديث جرير حديث تميم رضي الله تعالى عنهم في النصيحة وفضلها. الآن الشيخ مقبل رحمة الله عليه يغنط في المقصود, أي البت de cette رسالة, son conseil qu'il veut donner à ses frères. قال رحمه الله نصيحتي لأهل السنة أن يتباعدوا عن أسباب الفرقة والاختلاف. Il conseille ses frères رحمة الله عليه أنهم يتباعدوا, أي يبتعدوا سلوا, عن أسباب الفرقة والاختلاف. Les causes de la division. La division, il y a beaucoup de causes. Parmi les causes de dunya, parmi les causes de la jalousie, parmi les causes de l'ignorance, parmi les causes de ta'assub, de taqlid, s'entêter, suivre aveuglément, tout ça, ça divise. Les annas, ce qui rassemble, c'est le haqq. Enfin, tout ce qui contredit ce haqq, ça sera une cause de division. قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. Enfin, ce qui nous rassemblera, c'est suivre ce chemin. الصراط المستقيم. Enfin, plus l'insan s'écarte de ce chemin, que ce soit par ignorance, que ce soit par entêtement, que ce soit par suivi aveugle, que ce soit par jalousie, par orgueil, ça provoquera de la division. Il n'y a qu'un chemin. Enfin, celui qui s'écarte de chemin, l'achète que ça divisera. Mais si on est tous sur le chemin, il n'y a pas de division. فالشيخ مقبل رحمة الله عليه ينصح أولا بنصيحة طيبة qu'on s'écarte عن أسباب الفرقة والاختلاف. Et كذلك des causes, on fait des efforts pour se rassembler. أخي الكريم, ton frère c'est un bachar. Ton frère il oublie, ton frère il se trompe. Ton frère أحيانا il a des faiblesses dans le comportement, il peut s'énerver. Il peut avoir une kalima qui est mauvaise, il peut avoir une mu'amala, une chose qui t'a faite qui n'est pas bien. Ah, ça arrive là, ça reste ton frère. Il s'est trompé aujourd'hui, demain ça sera toi. Parmi les causes qui nous rassembleront, inshallah, c'est de fermer les yeux sur certaines choses, de se pardonner, d'oublier. Amma celui qui veut hasb son frère ala kulli kabiratin wa sagira, la shak annahu yaqad la furqa. On a des faiblesses. Ar-rahma, ar-rahma. Ar-rifq, ar-rifq. Qala al-shaykh Muqbil, fa'aqidatu ahli sunna wahida, wa'attijahuhum wahid. Laysa hunak musawwirun lil-furqa, wal-ikhtilaf, illa al-jahl, wal-baghi, wal-shaytan. Shaykh Muqbil, rahmatullah alayhi, il démontre qu'on a, on adore le même Rabb, Azza wa Jal, la même aqida. On aime les mêmes messagers, on aime les malaïka, on croit au jour dernier. On croit au qadar. On a le même kitab, walillahi alhamd. Wa attijahuhum wahid. Ay ahl as-sunnah. Ça nous montre que cette nasiha, ce n'est pas fi ahl al-bida'i wa al-dhalal. Faut pas comprendre de ce kalam se rassembler avec ahl al-shar wa al-bida' wa al-ahwa. Là, on avait vu dans les fondements qu'on a étudiés ensemble, walillahi alhamd, an as-sunni s'écarte de ahl al-bida'i wa al-shar. Li annahum, c'est eux qui ont causé la division, c'est eux les responsables. Et s'ils veulent qu'on se rassemble, ils font taouba et ils reviennent. Amma vouloir rassembler tout le monde, comme ils font al-ikhwan al-muslimoun, wa man tashabbaha bihim, fahada simna al-dhalal al-mubin. Ali Hassan al-Halabi al-Munharif al-Dhal, il a écrit des livres pour appeler au rassemblement. Et ça, c'est mujarrad un mithal pour vous montrer c'est quoi maqsoud Cheikh Mukhbil rahmatullah alayhi. كذلك أبو الحسن المصري كذلك كثير من أهل البدع والضلال أنهم ils ont écrit des livres pour rassembler, لكن حتى أهل البدع والضلال ils ont inventé des règles قواعد qui contredisent الحق Et ça pousse au tamir, ça pousse à faire des concessions sur notre din, sur sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour accepter les autres. Et hada, c'est pas maqsoud al-ulama, abadan. Le Cheikh Mouqbil, rahmatullah alayhi, il appelle au rassemblement, et ahl-sunnah. On a le même manhaj, wallahi alhamd, on suit la même voie. Enfin, on n'a pas à se diviser pour des futilités. Amma ahl al-bida' wa al-dalal, hala, yatouboun. Et ils ont un haq, kadalik fin nasiha. Annahum yunsahoun. Bien sûr, ahl al-ilm, sans se mélanger à eux. Et s'ils veulent revenir au haq, ils reviennent et on est des frères. Et si ils s'obstinent, al-kibr wa al-iyadu billah, enfin, c'est eux la cause. C'est eux la cause. فَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخ مُقْبِلَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا الْجَهْلُ وَالْبَغِي وَالشَّيْطَانِ. Ce qui divise l'ignorance وَالْبَغِي. Al-Baghi, tu peux remplacer par le mot ظُلْم, l'injustice, وَالشَّيْطَانِ. C'est ça qui divise. Enfin, pour se rassembler, on doit revenir au haq. C'est ça qui va nous unir. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ أَمَّا الْقَوَاعِدُ الْمُحْدَثَةُ et al-bid'a wa at-tamyi'. Pour nous rassembler, ça fait que amplifier les choses. Mohammed al-Imam, il a écrit un livre, Ma'ruf al-Ibana, pour rassembler. Ka'annahu, hada al-kitab, il allait être accepté. Et il a été accepté au départ par certains. Limadha li'anna al-ba'd yuqallidun. Vu que les gens, ils ont dit le livre, il est bien, ils ont tous dit au départ, au kathir minhum, il est bien. Alors que, wallillahi alhamd, au premier jour, quand le livre il est sorti, an-nasihun, ils ont mis en garde. Annahu, c'est un kitab. Il n'y a aucune différence avec le livre de Ali Hassan al-Halabi. Fi at-tamyi' wa at-taq'id al-qawa'id al-batila. Na'am. Lakin al-ba'd, ils l'ont propagé, ils l'ont traduit ila akhiri. Et ils ont voulu rassembler avec ces qawa'id. Et ils ont fait que se diviser. Et à la fin, kathir minhum, ils sont revenus, ils ont dit c'est un livre d'innovateur. Mohammed al-Imam, c'est un mubtadi' ila akhiri. Lakin an-nasih, celui qui veut le haq. Et celui qui est juste, il prend un dalil min awwalihi. Anna al-kitab, c'est un kitab de munharif, c'est un kitab de munharif. On ne peut pas rassembler les gens du haq autour de ce genre de livre. Ah, cette précision, elle est muhimma pour comprendre anna kalam al-shaykh muqbil rahmatullah alayhi et cette nasiha, elle est fondée walillahi alhamd sur le kitab et sunnah. Et elle a fait beaucoup de khayr walillahi alhamd, contrairement à certains qui veulent rassembler, lakin autour de leur nafs, ou autour de leur shaykh. Le rassemblement, il rassemble tout le monde. Hatta ahl al-bid'a. Et comme ils font al-ikhwan. Amma sunni, voilà. Il appelle au rassemblement, lakin al-ijtima' ala al-haq. Celui qui veut le haq, fa ahlan wa sahlan. Celui qui veut pas le haq, fa sunni, il n'a pas le droit de faire des concessions sur son din pour accepter al-munharif. Là, al-munharif yatoub. Al-jahil yata'allam. Al-muta'assib yatruk al-ta'assub. Ah, c'est le seul moyen pour nous rassembler. Lian al-an, ba'duhum yaqouloun. On est divisé, comment faire? La solution, Cheikh Mouqbil rahmatullah alayhi, il l'a cité, on va lire ensemble, inshallah, lakin, chacun doit faire des efforts. Le but, c'est de se rassembler sur le haq. Enfin, pour se rassembler, on doit trouver le haq. Enfin, ayna al-haq. On fait des efforts, et quand on l'a trouvé, on s'accroche tous. Walillahi alhamd. Qala Cheikh Mouqbil, laysa hunak musawwirun lil furqa wal ikhtilaf illa al-jahl wal baghi wal shaytan. C'est ça qui nous divise. Al-jahl والبغي والشيطان. فبعض الناس ils ont des positions, c'est fondé sur le djihl et ils divisent tout le monde. Ou à cause de l'ignorance, ils pensent que telle chose, c'est pas comme ça et ils s'écartent le haqiqa, ils s'écartent du haq. Ou ils font telle chose, ils pensent que c'est un haq et c'est batil. Al-djihl, c'est une maladie qui fait beaucoup de mal. Da'un azim, qui fait du mal à la umma. Al-hadha al-ulama, ils insistent beaucoup à faire des efforts fil ilm. Li'anna Al-Sunnah, ils seraient tous à la ilm. Beaucoup de ce khilaf que tu vois l'un et que tu entends, il n'y aurait pas ce khilaf. Bi-idnillahi azza wa jalla. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala, lahu al-hikmah al-baligha. Qal wa fi sahih muslim, inna al-shaytan qad aysa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab, walakin fi al-tahrich baynahum. Al-shaytan, il a désespéré de se faire adorer fi jazirati al-arab. Limadha li'anna al-tawhid qawi hunak. دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة الصحابة رضي الله عنهم نور الرسالة الشيطان il a désespéré de se faire adorer في جزيرة العرب لكن il a pas désespéré في التحريش. التحريش c'est le fait de diviser les frères. يحرج بينهم Hatta hada, il parle plus à hada, et hada, et hadir hada, et ça divise tout le monde. Même s'ils sont à la tawhid, ils sont divisés. Et le hadith, il est dans le Sahih Muslim. قال والخلاف شر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما صلى عثمان رضي الله عنه بمنى بالناس أربعا فاسترجع عبد الله رضي الله عنه ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين فيا ليت لي ركعتين مقبولتين فقيل له ألا صليت ركعتين قال الخلاف شر رواه البخاري بهذا المعنى فتأملوا موقف هؤلاء رضي الله عنهم ابن مسعود رضي الله عنه il savait que le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait que deux rak'at وابو بكر que deux اي امينة وعمر que deux عثمان رضي الله عنه اجتهد et il a fait quatre rak'at لكن pour pas diviser Abdullah ibn Mas'ud, il a fait le salat derrière Uthman, لأنه c'était Amir al-Mu'minin, le gouverneur. Il a fait le salat derrière lui, et quand ils lui ont demandé pourquoi, il leur a démontré al-khilaf, char. Ha'oula, radiyallahu anhum, ils ont compris que le khilaf, c'était du char. C'est pour ça qu'ils étaient unis, et ils sont restés unis. Ashab Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le khayr qui s'est passé après eux, leurs efforts, ils ont propagé le Coran al-Karim, sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils sont restés unis, c'était une umma qawiyya. Nous, kadhalik, on doit daiman penser à ce genre de hadith, an al-khilaf shar. Ne te précipite pas à te diviser avec ton frère, daiman, la moindre chose. Là, al-khilaf shar. Lakin, il faut être à al-ilm. Qal wa rawa muslim. في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم au début de la salat quand les sahaba رضي الله عنهم ils étaient en rang et il a rangé les rangs Et il leur disait, « La takhtalifu fa takhtalifa qulubukum. » Hatta dans le rang. Ça, c'est dans les rangs. S'il y a une division dans les rangs, et les rangs, ils ne sont pas droits, rubbama, les cœurs, ils se divisent. Fa nabi sallallahu alayhi wa sallam, il donnait beaucoup d'importance à hada. Aligner les rangs, hatta les cœurs, inshallah, ils sont unis. Ça nous montre, hein, parmi les causes de division, c'est ne pas arranger les rangs, fa salat. Et comme minal muslimin l'an, il ne donne pas d'importance à hada, aux rangs. Tu rentres dans certains masajid et tu vois as-sufuf, elles ne sont pas alignées, Obama, il y a des écarts, Obama, umur, qui contredisent as-sunnah. À cause de quoi? À cause de l'jahl. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce point lui a donné de l'importance. Pourquoi les anna, ce point, et ne pas aligner les rangs, ça peut faire du mal à la umma et être une cause de division. قال الشيخ مقبل وروى البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم تسوية الصفوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى أردني دالي كل غان إسوى أليني لتسوون صفوفكم أي أليني فغان سان أرد أو لا يخالفن الله بين وجوهكم و الله سبحانه وتعالى il va vous diviser ça nous montre أن التسوية الصفوف c'est parmi les causes pour unir la umma on doit donner de l'importance à هذا donner de l'importance من حيث العلم أي apprendre comment aligner les rangs إلى آخره et كذلك العمل أي appliquer هذا قال وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الأول رواه أبو داود بسند صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عبد الرحمن بن عوسجة وقد وثقه النسائي فالشيخ مقبل رحمة الله عليه إلى صحح هذا الحديث إسلام من معنى كل حديث خسدان سيق الصفوف نكتفي بهذا القدر إن شاء الله لبقصان درس ونكتفي القراءة في هذه الرسالة النافعة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب